J'ai fait du karaté avec des karatékas parisiens. Voici la chanson qu'ils m'ont apprise. Hajime Shodan Mawashigeri Zenkutsu Dachi Shodan Mawashigeri Zenkutsu Dachi Oitsuki Maigiri Gedan Barai Oitsuki Maigiri Gedan Barai Shodan Mawashigeri Zenkutsu dachi, shuran mawashigeri, zenkutsu dachi, oitsuki maigiri gedan barai, oitsuki maigiri gedan barai. Yame.